C'est le prince d'Orange, tout matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier, que me dit sur la guerre, va sceller mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France, où le roi m'a mandé, que me dit sur la guerre, où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied d'un étrier, que me dit sur la guerre, le pied d'un étrier. Je partis sain sauf, et j'en revins blessé, que me dit sur la guerre, et j'en revins blessé. Et j'en revins blessé. De très grands coups de lance qu'un Anglais m'a donné, que me dit sur la guerre, qu'un Anglais m'a donné. Un autre la manière, on dit que j'en mourrai, que me dit sur la guerre, on dit que j'en mourrai. Le beau prince d'Orange est mort et enterré, que me dit sur la guerre, est mort et enterré, est mort et enterré. J'ai vu porter en terre par quatre cordeliers, que me dit soit la guerre, par quatre cordeliers. Et mort et enterré par quatre cordeliers. Et mort et enterré. Mon beau prince d'Orange est mort et enterré, que me dit soit la guerre, est mort et enterré. L'ai vu porté en terre par quatre cordeliers, que me dit soit la guerre, par quatre cordeliers. Est mort et enterré, que me dit soit la guerre, que me dit soit la guerre.